Le temps des fêtes est souvent synonyme de réjouissance et de rapprochement. Monsieur Régent et Philippe Lavoie, propriétaires de la pharmacie Jean Coutu, vous souhaitent un très joyeux Noël et une bonne année, et vous assurent la même qualité de service pour la prochaine année. Amusez-vous et soyez prudents pendant ces moments de fraternité. Ce sont les vœux des propriétaires de Jean Coutu, Monsieur Régent et Philippe Lavoie. Ici Hugo Maltais, président de l'Association du hockey mineur de Robertval. En mon nom personnel et au nom du conseil d'administration, nous vous souhaitons un joyeux Noël et une bonne année à tous les jeunes, parents et bénévoles qui rendent possible les activités et merci de nous encourager. La période des fêtes est arrivée. Nous profitons de cette belle occasion pour laisser la routine de côté, se reposer et partager avec nos proches des moments précieux de joie, d'amour et d'amitié. Monsieur Jacqueline Doucet, planificateur financier, conseiller en sécurité financière et représentant de courtiers en épargne collective, inscrit auprès de Mika Capital Incorporé, et toute son équipe vous souhaite beaucoup de bonheur, de douceur et de sérénité pour la nouvelle année, ainsi que la réalisation de vos projets les plus chers. Pour nous rejoindre, composez le 418-276-6170. Marianne Saint-Gelais a participé aux deux Coupes du Monde en Asie, une au Japon, l'autre en Chine. On a parlé avec François-Olivier Robert, notre nouveau collaborateur, pour analyser sa performance. Là, on va lui parler. Salut Marie. Hey Marie, justement, on en parlait en dehors des ondes, mais je veux poursuivre la discussion en ondes. En Asie, là, c'est assez spécial faire un voyage là-bas. Ben, c'est difficile s'adapter, en fait. En fait, on a plus de difficultés quand on revient que quand on y va. Okay. Mais c'est 14 heures là, de décalage qu'on était au Japon, 13 heures avec la Chine. C'est un bon 13 heures de vol aussi pour se rendre à destination. Fait que oui, c'est dur. C'est une heure par l'expérience. On dit que c'est une heure par jour que tu récupères. C'est-tu vraiment ça? Je pense que non. Ça dépend aussi de quel type, ouais. Là, mais... Pour les athlètes, là, je te dirais qu'au bout de 3-4 jours, en fait, pour 2-3 jours, là, la plupart, on était déjà adaptés et on était prêts. On avait notre routine normale. OK. Marie, si on parlait maintenant des compétitions en Chine et au Japon, comment tu as trouvé ça, d'abord, compétitionner au Japon? Est-ce que tu as trouvé ça... De mémoire, ça fait longtemps qu'il n'y avait pas eu une compétition au Japon. En Chine, vous y allez être les hommes, mais au Japon, c'était la première fois que tu y allais? En fait, on y était il y a deux ans. Ah, OK, OK. Ça faisait la fois qu'on y était en 2014. En fait, 2013-2014, là, ça faisait quelques années déjà qu'il n'y avait pas eu de Coupe du Monde là-bas. C'est le fun. C'est vraiment un pays, honnêtement, qui est à voir, qui est à découvrir. Là, les gens sont chaleureux, la nourriture est bonne. C'est vraiment une belle culture aussi, là, le Japon. Fait que ça donne toujours des compétitions qui sont le fun. Puis que... C'est ça, c'est fun aussi d'être dans un pays où tout est convivial et que tout est vraiment. Mais au Japon, c'est-tu populaire? Parce qu'on a vu des images, il n'y avait pas l'air d'avoir grand monde dans l'assistance. Non, c'est vraiment populaire. Hein? Là, puis, non, vraiment pas. Les gens qui étaient là, ça devait être un peu soit des amis, des parents, des gens sportifs, mais non, là, c'est pas là où on a la plus grosse foule. OK. Les glaces, comment elles sont comparables? C'est-tu des glaces rapides? C'est-tu des glaces qui sont un petit peu lentes? Ben, en fait, on était installé dans un complexe aquatique. Fait qu'on était sur une piscine. Okay. Fait que déjà, les sensations sont différentes. Là. On a comme une espèce d'aspect de profondeur qu'on n'a pas d'habitude sur une glace standard. Mais il y avait des bandes. Fait que déjà là, plus de risques de blessures. Mais écoute, c'est une glace qui est différente. Des glaces qui sont ben, pour nous, qui sont vraiment différentes parce qu'elles ne sont pas des lettres qui sont soit plus molles, plus dures, donc plus de casse, plus de challenge un petit peu à ce niveau-là. Mais sinon, c'est rien de trop compliqué non plus. À un moment donné, il faut apprendre à laisser aller puis à faire OK, gars, c'est ça la compétition, c'est ça notre glace, ben on y va puis c'est ça. Mais c'est ça, c'est un endroit qu'on aime aller, mais c'est sûr que la glace, c'est pas... Est-ce que, du côté des deux Coupes du Monde, je pense que ça a mieux été au Japon quand même qu'en Chine, hein? Pour toi, là, personnellement? Pour moi, oui. Ben là, c'est certain. Ouais. Moi, mes performances, on les parle en termes de... Ouais. Fait que c'est sûr qu'au Japon, j'en ai eu 3, puis en Chine, j'en ai eu 2. Mais en termes de finale, j'ai fait les deux finales-là dans mes deux distances aux deux compétitions. Okay. Moi, je suis quand même satisfaite de mon séjour asiatique, là, honnêtement. En Chine, j'ai pas monté du podium au 1500, mais c'est pas parce que je pouvais pas, c'est parce que j'ai joué différemment, puis je me suis fait avoir dans la façon que j'ai joué. Mais il y a des choses à retenir positives comme il y a des choses négatives qu'il faut enlever. Mm-hmm. Mais non, somme toute, là, je reviens pas non plus complètement déçu tout ça. Là. Il y a des choses que je vais tasser, que je vais pas refaire, mais il y a des choses que je ferais nécessairement, que je vais réappliquer. Là, est-ce que les Coupes du Monde, est-ce que c'est un petit peu pour toi, là, est-ce que vous prenez ça vraiment au sérieux? Vous les prenez au sérieux, c'est pas ça que je veux dire, mais je veux dire, on essaie des choses. C'est sûr que le fait que tu dois y aller avec le classement général, et si t'es en avance ou t'es en bonne position, tu dois certainement essayer des choses en vue du championnat du monde. Hein? Ben, c'est clairement ça. Ouais, c'est comme une préparation pour. Ben c'est ça, puis c'est dépendamment aussi de ton niveau. C'est sûr que moi, j'ai pas le même niveau non plus que certaines filles qui rentrent sur le circuit. Fait que c'est sûr que moi, les Coupes du Monde, c'est nécessairement des. Oui, c'est. Mettons, mes médailles sont sûrement moins importantes que quelqu'un qui fait sa première médaille sur le circuit. C'est pas la même chose, ça se calcule pas comme ça. Là. Mais chaque course est importante parce que il y a des choses à apprendre en Coupe du Monde, il y a des choses qu'on peut pratiquer, comme tu dis, qu'on peut essayer. Mais nécessairement que pour moi, c'est vraiment des pratiques pour les championnats du monde. C'est, en même temps, c'est difficile parce qu'au championnat du monde, c'est vraiment les trois meilleurs de chaque pays, c'est la crème de la crème. En Coupe du monde, je suis pas assurée de patiner avec chacune des filles contre qui je pourrais patiner au championnat du monde. Fait que c'est un peu je peux vouloir essayer des choses, mais en même temps, si j'ai pas ces filles-là dans mes courses, ben je peux pas nécessairement les essayer. Fait que c'est encore là que ça devient encore plus important quand je me rends compte que je suis dans une distance avec la chinoise, ben j'ai vraiment envie d'aller en finale, j'ai vraiment envie de compétitionner contre elle parce que je me dis peut-être que la compétition suivante, je me retrouverai pas avec elle sur une ligne de départ. Fait oui, c'est principalement fait pour ça, mais comme je te dis, c'est pas généralisé, là, c'est pas ça pour l'ensemble des. Les Chinoises, est-ce qu'ils sont en reconstruction aussi? C'est une équipe, parce qu'il y a des noms Chimunku, après ça, il y a Kevin Fan que je connais, mais le reste, là, c'est une équipe qui est en reconstruction, hein? L'équipe de la Chine. Ça l'a beaucoup changé cette année, là. Comme tu dis, il y a des noms qu'on voit, c'est Zhu Yang revient, c'est sûr que bon, on a aussi le Fan, comme tu disais. Il y a quelques grands noms qui viennent et qui quittent, là, qui font un peu va-et-vient. Mais oui, pour la Coupe du Monde, les Coupes du Monde en Asie, en fait, là, on avait trois nouvelles filles qui étaient même pas en Amérique. Fait que oui, ils ont une équipe changeante. J'ai l'impression qu'eux aussi sont à la recherche d'une nouvelle équipe. Ils se construisent un peu comme nous. Là. C'est un peu ça les deux premières années de Coupe du Monde. On forme des juniors, on amène plus de gens pour justement leur donner de l'expérience puis arriver à une situation où on va être aux Jeux olympiques. Puis si ces filles-là n'ont jamais eu d'expérience, ben on se tire un peu une balle dans le pied. Fait que j'ai l'impression qu'ils sont aussi dans cette vague-là, dans cette vibe-là de faire patiner plus de chemins possibles puis de l'expérience. Mais le profil d'entraînement de l'équipe chinoise et coréenne, c'est pas pareil comme au Québec. Hein. Je pense qu'on travaille beaucoup plus pour être au pic en Chine à 19-20 ans, tandis que au Canada, c'est 24-25 ans, le programme d'entraînement. En fait, c'est des cultures, c'est même pas un programme d'entraînement. Oui, c'est des cultures, c'est ça. C'est exactement ça, les pays asiatiques, c'est des gens qui sont déjà à l'âge de 4 ans, à l'âge de 5 ans, qui sont formés pour devenir un patineur de vitesse. Et c'est pour ça qu'on n'est pas une surprise de les voir à 15 ans et d'exceller dans le sport, parce que ça fait des années qu'ils sont entraînés pour ça. Tandis qu'au Canada, nous, on a plus les valeurs de l'amusement, de s'amuser, de faire ça pour le plaisir. Puis là, ben quand on arrive à un niveau, voire vers 16, pour les plus jeunes, 19 ans pour les plus vieux sur une équipe nationale, là, on prend ça plus au sérieux puis on peut devenir des athlètes de haut niveau. Les deux fonctionnent, c'est juste que le pic de performance, dans le fond, il y a des âges différents. Ouais. Pour les Coréens, les Chinois, c'est plus tôt. Pour nous, c'est plus tard. Mais ça n'empêche pas le fait qu'on peut tous devenir un champion du monde. En terminant, une dernière question, je veux te parler du relais. Vous êtes, dans le temps, quand tu as commencé, tu étais avec Kalina, tu étais avec également, tu avais Marie-Ève Drolet, si je me rappelle bien. Tu avais Jessica Gregg et ainsi de suite. L'équipe performait. C'était vraiment, vous étiez avec la Chine, c'était vraiment les deux puissants. Là, en relais, c'est troisième, quatrième, c'est à peu près ça votre rôle maintenant, hein? Ben nous, on est comme on a dit, on est une équipe qui grandit. Là. Je veux dire, comme tu dis, on avait une équipe d'expérience depuis 2010. Valérie Mathilde dit non, on était les recrues à ce moment-là, mais quand on est arrivé, on était avec des filles d'expérience, tu l'as bien dit. On avait Tania, on avait Kalina, c'est des filles qui avaient de l'expérience, non seulement individuellement, mais en relais. Puis ben par la suite, le flambeau s'est passé, c'est devenu nous, Jessica, les filles, on travaillait bien ensemble, il y a vraiment un gros 4 ans où l'équipe a peu changé, où le top 4 est resté quasiment le même. Fait que vraiment, on voyageait ensemble de Vancouver à Sochi, ça a vraiment été ça. Mais là, la vibe a changé. Fait que il faut faire avec, ça apporte des nouveaux joueurs, ça apporte c'est une nouvelle chimie, ça apporte de nouvelles choses. Moi, j'ai été surprise l'année dernière. Je m'attendais à ce que justement on ait une année un peu avec des hauts et des bas parce que justement on était en construction, il fallait essayer des choses, il fallait qu'on apprenne à se connaître aussi, qu'on se fasse confiance. Moi, j'étais surprise du rang qu'on a pris. Puis déjà cette année, on est sur les podiums, puis notre deuxième place qu'on a eue à Shanghai, c'était une deuxième place plus que méritée. Là, on a été bien battu. C'est nous qui a causé la chute chinoise, parce qu'on était là, puis qu'on voulait faire un département. Fait que moi, je suis contente de où on s'en va. Puis c'est ça. Oui, c'est changeant. Oui, l'équipe est pas la même. Puis oui, on a des jeunes visages, on a des gens qui ont moins d'expérience, mais je pense que l'expérience de certaines et la jeunesse des autres fait en sorte que notre tout est vraiment intéressant. Donc, là, tu arrêtes pour la période des fêtes, là, c'est ça? Le programme d'entraînement change-tu vu que c'est les fêtes, les deux courses sont commencées, donc j'imagine que tu as congé, c'est ça? Ben non, pas du tout. Non? Non, en fait, on peut pas se permettre de relâcher parce qu'on a nos sélections. Ouais, en fait, début janvier. Début janvier. Ah oui, à la mi-janvier, exactement. Fait qu'on peut pas se permettre de relâcher. Fait que déjà, nous, on est retourné à l'entraînement depuis mi-janvier. OK. Puis, on va filer. On va avoir quelques jours pour les fêtes. Donc, tu viens-tu ici? 25-26, là. Je devrais être au lac Saint-Jean pour ça. Puis, déjà, on vit à Montréal. Puis, on s'entraîne jusqu'à mon championnat. OK. Ben, Marie, moi, m'a souhaité de joyeuses fêtes, une belle année également. Puis, je t'embrasse bien fort. Puis, on se reparle à tes sélections canadiennes. Ben merci beaucoup, je souhaite à vous. Marie-Anne Saint-Gelais, la patineuse de Saint-Félicien.